CD edição especial de Natal, Noturismo e Acorrentados. Se um é bom, dois é demais. Foi lá tu cerca de peixe, o que na vila dança. Sabe que bebe do sino de copoemo. Aí ele vê. Foi lá tu cerca de peixe, o que na vila dança. Sabe que bebe do sino de copoemo. Aí ele vê. Jodi mwen pasa ve kapou mwen fe, mwen yo fi kriye, ay se mizik la ki vi an mwen. Che wele wele. Fazendo as melhores seleções pra você dançar. Rômulo Consignado, o homem forte da Beira Rio, bebe e o Rominho paga. J'ai porté quelques cocos, des noms qui finissent décollés, nous tous qui viennent aller baigner. Réveillon Mix com a rainha do Calypso, Joelma. E a gravação do DVD do animal Búfalo do Marajó. São é Noturismo. Contatos 991-21-5559. Mas sou Da empresa No Turismo. Contatos 991968809. DJ Valdir e Noturismo. Allons-y. Area, rocking the place, get a barrier. Here for the music, mystic dynamics, singing like a prayer for the mass. Fantastic, rap tactics, music elastic. Some call it platinum, some say plastic. Bambino, call me a nino, roll like a sushi, bathing camino. Shake your money, maker. Shake your money, maker. Shake your money, maker. Shake your money, maker. I got Kung Fu Club, this for the kitchen. If you ready, got stuff for the kitten. Lose your bride to the rhythm of the night. If you die for the music, girl, shake it daisy. Do what I like and I do it again. As long as my peeps say kick it again. Like it or not, I'ma say it again. I'ma slap it again, I'ma play it again. Do you want me to play it again? Jump to the ceiling. Do you want me to play it again? Jump to the ceiling. Do you want me to play it again? Jump to the ceiling. Do you want me to play it again? Jump to the ceiling. Sábado, 31 de dezembro, o maior Réveillon de todos os tempos. Réveillon Mix, com a rainha do Calypso, Joelma. E a gravação do DVD do animal, Búfalo do Marajó. See you. Asta avem un an, după ajuns să-l sachidule. L-am urtușut din nu, că nu o ședea pe un nu. Ei, cupim, sai fora que aqui é pau velho, o gerente da Nó Turismo. Oh, boy. ça. Ok, ok, les hommes, nous capons, nous capons, on l'a plongé, ok. Jonathan Costa, são parceiros da Nó Turismo. tout pour nous content. Passez les bam bam bam. Les blues arrivent tout pour nous content. Passez les bam bam bam. Rocket descend tout pour nous content. Passez les bam bam bam. Miss Vitalo, Marcelo Dosso, Miss Tagalo, Marcel Leonte. Edição especial de Natal, no Turismo e Acorrentados. Se um é bom, dois é demais. Todo mundo vai apostar. Você quer viver? Animação. Tudo Lulu sabe como ver. Todo mundo vai lá. Vini, vini. Vamos chater, papai. Que tu veux? Super Babal. Animation. Pousser Babal. Andou chanter Babal. Andou rouler Babal. Et Adrien. Andou danser Babal. Et Adrien, monsieur. Tracer Babal. Andou rêler Babal. Rêler Babal. Crier Babal. Crier Babal. Souper Babal. Souper Babal. Pousser Babal. Adrien, mon pack à travail pour porter la jolie et Kaila. Adrien, mon pack à travail pour porter la jolie et Kaila. Adrien, mon pack à travail pour porter la jolie et Kaila. Adrien, mon pack à travail pour porter la jolie et Kaila. Sous envie de jambé, sous envie sauter, sous envie manger, sous envie tromper. Adrien, mon pack à travail pour porter la jolie et Kaila. Adrien, mon pack à travail pour porter la jolie et Kaila. Adrien, mon pack à travail. La jolie et Kaila, Adrien mon pack à travail pour porter la jolie et Kaila. Sous envie violer, sous envie laisser, sous envie corner, sous envie tromper. Animation. De à terre, de à sous gabon. De à terre, de à sous gabon. De à terre, de à sous maman. De à terre, de à sous gabon. De à terre, de à sous papa. De à terre, de à sous gabon. Moi je voulais faire pour moi. Te a te a su cama. Samoa mo gade me mo pasa male. Te a te a su cama. pijama, levé en pyjama. En pyjama, levé et tout uni. En pyjama, levé de Makoumé. Eva! De Makoumé, levé en pyjama. Aïe, dis yo ça! De Makoumé, levé en pyjama. C'est ça qui dit! De Makoumé, levé en pyjama. De Makoumé, levé en pyjama. De Makoumé, levé en pyjama. Oh! Ma poumé levé en pyjama. Ce soir on vous met, ce soir on vous met le feu. Bien entendu. Ce soir on vous met. Animation. Ce soir on vous met le feu. Chauffez, chauffez, chauffez, chauffez. Ce soir on vous met, ce soir on vous met le feu. Ce soir on vous met, ce soir on vous met le feu. Ce Coupé, c'est femme qui bat nom, c'est nom qui souffre.